Bonsoir, ici Tranjanar. Nous sommes en vacances, mais on va repasser une émission de Tranjanar faite le mercredi 7 février 2018 qui reste d'actualité. Le 7 février, on avait en studio Claire Scoyer de l'IEB qui venait de parler du nouveau projet Marina, un port de plaisance à Anderlecht. Mais la croisière sur la Marina n'est pas finie. Malheureusement. Si le permis d'environnement vient d'être refusé par le Collège l'environnement suite au recours de IEB, Inter-Environnement Bruxelles, contre ce projet socialement inacceptable, le permis d'urbanisme est toujours en passe d'être délivré pour ce projet massif. Ce projet massif intégrant 302 logements, 345 places de parking, une tour de 14 étages et bien entendu un parking pour 40 yachts. Il est toujours temps de signer la pétition. Plus d'infos sur le site iebe.be, Bistebroek, un raz-de-marée immobilier. Bonne écoute. Bonsoir. Donc bonsoir, vous vous trouvez donc sur l'émission anarchiste de Radio Air Libre, Tranjanar, comme tous les mercredis soirs de 20h30 à 22h. Oui, c'est ça, j'ai un peu du mal parce que comme on a changé d'heure et de jour, donc j'ai un peu du mal à refaire ma phrase. Mais notre adresse est toujours la même, 365 H, chaussée d'Alsenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, 02 344 58 55, 02 344 58 55. Alors ce soir, nous avons une invitée, Claire, bonsoir. Bonsoir. Donc tu viens nous parler d'un projet catastrophique qui va lieu avoir sur le canal à Bruxelles. Il y a plein de chouettes choses, mais il y a pas mal de catastrophes sur le canal. Les auditeurs. Il y a plein quoi? Non, il y a des choses sympathiques hein, au bord du canal, mais il y a aussi pas mal de catastrophes, c'est pas la seule. Voilà, ok, ça va. L'immobilier bat son plein, on va dire. L'immobilier bat son plein, oui, ça c'est vrai. Mais partout à Bruxelles, en plus, l'immobilier bat son oui, plein. Oui, mais le canal, là-dessus, paye un lourd tribut, hein, particulièrement. Ouais. En ce moment, oui. Mais le canal, il y a de l'eau, hein, donc les gens sont contents. Ils peuvent Avant, on lui tournait le dos, il était tranquille. On laissait les péniches industrielles, tout ça. Maintenant, ils peuvent voir les petits bateaux qui vont tourner. Voilà. Les bobos, ils peuvent nager dans le canal l'été. Bah, c'est froid et c'est sale. Non, l'été, non, ça va. Oh. Non, ça change rien à l'affaire. Enfin voilà, donc elle va venir nous parler d'un projet qui est prévu pour construire une marina, je crois, quelque part à Anderlecht. Pour tous ces riches bourgeois qui nous envahissent dans Bruxelles. If we can get over the summer. Yeah. We'll have to dedicate this one to such a draggy scene that's going on. All the soldiers that are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. But they do a thing called machine gun. Thank you. harbor, you know what I mean? Hey, and your brother's he conquered it now. Pain. shoot him down. He's about to leave here. Now just shoot him down. He's got to stay here. He ain't going nowhere. He's been shot down to the ground. No way he can survive. No, no. C'était Jimi Hendrix dans j'ai oublié. Machine Gun. Machine Gun, voilà. C'était un truc. En fait, Jimi Hendrix a écrit et a fait ce morceau par rapport à la guerre du Vietnam et qui est toujours dans le côté 68 qu'on va faire. C'était toujours, il a fait ça pour contre la guerre du Vietnam. Voilà. Voilà, c'est à vous. Ben, merci, Axel. On repassera une autre musique tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, ouais. Si vous voulez. Hein. Ben oui, pas de problème. If you want, my ouais. dear. Donc, nous avons Claire de l'IEB, c'est ça? IEB. IEB, c'est Inter-environnement Bruxelles. J'arrive jamais à le dire. Mais tout le monde dit l'IEB, c'est marrant parce que c'est on dit l'inter-environnement Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ben voilà, Gwen, je pense que c'est toi qui es un peu au courant de la problématique dont va nous parler Claire. Ouais, c'est surtout Claire qui est c'est Claire, mais c'est toi qui... Je vais me soumettre à la question. Oui, c'est vrai que... Ouais, j'avais l'idée d'inviter Claire parce que je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que je pense que c'est quand même Inter-environnement qui est le premier à dénoncer ce qui se passe là, ensemble avec d'autres, j'ai vu. Vous n'êtes pas seule, mais quand même, je ne pense pas que beaucoup de gens sont déjà au courant de ce nouveau projet qui est prêt. Allez. Qui a déjà passé en enquête publique, c'est ça ? Oui. En fait, c'est un projet... Ouais. dont on parle depuis longtemps. Le promoteur en question parle de ce projet depuis des années. Il en parlait déjà en 2007, 2008. C'est un espèce de fantasme d'un architecte, ce projet, un espèce de rêve, de dire « Ah, ben tiens, on peut faire un bassin de plaisance avec des yachts en plein milieu de Bruxelles. » Et donc, enfin, lui, il porte ce projet depuis 10 ans et cherche l'endroit où pouvoir le mettre. Et il est parvenu, après des années, à rafler un terrain au bord du canal, là où il s'est dit, bah, là, c'est possible de mettre ma marina. Alors, les gens qui ont dit, bon, voilà, on se dit un port de plaisance, on va penser à Cannes, à Croisette, au sud, à des contrées ensoleillées. Pour ceux qui connaissent le canal de Bruxelles, déjà, ils disent, tiens, déjà, c'est étrange d'aller mettre une marina là. Et alors, en plus, quand on voit l'endroit où il veut la mettre, effectivement, c'est en plein cœur d'Anderlecht, juste à côté de la rue Voyer, entouré d'un quartier populaire, entouré de logements, de bâtisses. Ce n'est pas du tout une zone opportune pour des yachts. On peut se demander d'ailleurs qui, quelqu'un qui est propriétaire d'un yacht, a priori, ne va pas aller mettre. Et comment ça se fait que ça a pris quand même pas mal d'années qu'il a fait la recherche d'un terrain, et tout d'un coup, maintenant, qu'est-ce que sont les circonstances que ça fait que finalement il a trouvé quand même ce terrain là maintenant, et que c'est qui appartient à ce terrain? En fait, c'est un terrain qui historiquement accueillait une station essence, qui a déménagé, et qui dit station essence dit terrain fortement pollué. Donc ça pose des questions de coût parce qu'il faut payer la dépollution du sol. Il y a eu plusieurs propriétaires successifs sur ce terrain. Parce qu'il y a pas mal de spéculation dans la zone. Depuis que la région bruxelloise décide de s'intéresser au canal, tout qui ouvre les yeux, toute personne qui fréquente le canal, qui connaît le vieux Molenbeek historique, qui connaît le centre d'Anderlecht, et qu'elle est là il y a 15 ans, peut observer ce qu'on appelle la gentrification. Il y a clairement une évolution, et donc on sent que la population change, que quelqu'un qui n'a pas les moyens peut plus payer un logement à cet endroit-là. Donc il y a une spéculation qui bat son plein. Et ce terrain-là a changé plusieurs fois de main de propriétaire. Et plusieurs demandes de permis avaient été déposées pour ce terrain, et la commune d'Anderlecht les a chaque fois refusées. Parce qu'elle considérait que les projets étaient trop médiocres. C'était des bêtes projets de logement et des bêtes projets de commerce. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui débarque avec quelque chose de beaucoup plus sexy, selon la commune d'Anderlecht. Et donc un projet dont on dit qu'il va faire rêver les habitants, qu'il va faire rêver les commerçants. Et de fait, c'est quelque chose qui n'est pas facile à décrypter, en fait, je pense, pour pas mal de gens qui habitent autour. Ça fait rêver les gens. Ça fonctionne, en fait. On fait rêver les gens et on ne leur explique pas qu'un tel projet va faire monter les prix, va faire monter les loyers, que les gens qui vont venir là, s'ils viennent, ce qui n'est pas sûr, évidemment, mais que s'ils viennent, ils ne vont pas aller fréquenter les commerces de la rue Voyer. Si vous parlez avec plusieurs commerçants autour, ils sont pour ce projet de marina parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir... Voilà, ouais. Que ça va changer leur clientèle. Voilà. Mais personne ne va leur expliquer ça, évidemment. Et certainement pas la commune. Et c'est un architecte français ou belge ? C'est un architecte belge. Un belge. Après, il a fricoté avec les Français. Il a déjà eu d'autres projets. Son grand rêve, c'était de rassembler un consortium de promoteurs autour de ce qu'on appelle le bassin de Bistebroek, qui est près du pont de Kerugem. Pour faire une vaste zone de projets immobiliers. Après, apparemment, il y a d'autres promoteurs qui ont les dents plus longues que lui, qui ont été beaucoup plus vite, dont le promoteur Athénor. Athénor, c'est lui, par exemple, qui a construit en face de Tour et Taxi la fameuse tour de logement de luxe, oui, qu'on appelle Upside, en dont auteur, tous les appartements ne sont pas encore vendus, d'ailleurs. Ce qui montre qu'entre les velléités des promoteurs de dire « Ah ben voilà, on peut faire à Bruxelles du logement de luxe, on va attirer les investisseurs... » voilà, ça c'est leur discours. Après, dans les faits, la demande à l'heure actuelle n'est pas là. Ouais. Donc, dans un premier temps, on rafle le haut du panier, et puis très vite, il n'y a plus d'acquéreurs potentiels. Mais donc, De Blot, cet architecte-là, a voulu rassembler les promoteurs. Athénor était plus vite que lui, a racheté les terrains où lui voulait faire sa marina. C'est pour ça que ça a pris aussi autant de temps. Et donc, De Blot s'est replié sur ce terrain-là, qui était passé de main en main. Et le fait qu'il passe de main en main et que la commune systématiquement refuse les permis a fait baisser la valeur du terrain. Donc, il a pu racheter le terrain moins cher. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu avec son projet. Peut-être s'il y a moyen de bien expliquer où c'est exactement ce terrain, c'est dans quel endroit. Parce que... Anderlecht, Canal. Il y a plusieurs projets. Oui, c'est ça. Quand on parle de ce projet-là, beaucoup de gens l'imaginent. Si vous êtes au pont de Kerugem, vous regardez la rue Wayer. Et à gauche de la rue Wayer, le canal s'élargit. Et c'est ce qu'on appelle le bassin de Bistebroek. C'est là où vous avez le boulevard industriel pour aller vers le Ring, où il y a une grande zone dite d'industrie urbaine. Où vous voyez des grands showrooms, vous voyez encore de l'activité productive, des grandes cuves à pétrole, etc. Et c'est là aussi que vous avez les fameuses péniches d'habitation sur un petit tronçon avec en face ce qu'on appelle les logements Aurore. Et beaucoup de personnes imaginaient cette marina à cet endroit-là, ce qui visuellement, si on s'arrête juste à une esthétique urbaine, ça paraît avoir un certain sens, si on ne s'intéresse pas à la question sociale, si on ne se pose pas la question de la gentrification, etc. Mais en fait, la marina, elle n'est même pas de ce côté-là. Vous regardez la rue Wayer, et en fait, elle vient s'enclaver juste à droite de la rue Wayer, là où il y a un bâti dense, un bâti d'habitation. Il va falloir percer le canal, faire un chenal, déplacer la voirie, créer un pont, déplacer un collecteur d'égouts qui collecte les eaux de 100 000 habitants. D'ailleurs, ça démultiplie les coûts du projet et c'est d'autant plus inquiétant parce que tous ces coûts s'ajoutant, ça oblige le promoteur à vendre ses logements de plus en plus cher pour que ce soit rentable. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une catastrophe en fait. C'est un projet insensé. Alors dans un premier temps, il avait annoncé 218 logements parce qu'il pensait que son projet serait rentable avec 218 logements. Parce que bon, cet architecte, il a le rêve de la marina, mais fondamentalement, il ne fait pas la marina pour la marina. Il fait la marina parce qu'il sait que si on construit des logements autour d'un bassin de plaisance, on va pouvoir vendre ces logements plus chers. Et donc, au début, il avait calculé son seuil de rentabilité en disant « Ah ben voilà, je fais 218 logements et avec ça, je fais mon profit. » Mais comme il y a des coûts qui se démultiplient, parce que le déplacement des égouts, hop, 2 millions d'euros, la création du pont, hop, 2 millions d'euros, et ainsi de suite, bah, du coup, soit il vend ses logements de plus en plus chers, mais il est quand même conscient alors qu'il ne va pas trouver des acquéreurs, parce que dans un premier temps, qui va aller acheter un logement de luxe à la rue Wayer, hein. Donc, du coup, il a augmenté le nombre de logements. Il est passé de 218 à 302 logements. Et il est passé de 199 places de parking à 345 places de parking. Et alors là, c'était assez sciant pour les comités de quartier ou les associations qui suivaient le projet, parce que tout est passé comme ça à la trappe, comme une lettre à la poste. On est passé de 218 à 302 et on est passé de 199 à 345. Sans que le service d'urbanisme, sans que personne ne pose les questions, mais tiens, on va mettre où tous ces logements, on va creuser où ces parkings, quel impact ça va avoir sur le quartier, etc. Voilà. J'ai encore une question, parce que je vois trois choses différentes. Toi. Dernièrement, sur BX1, on disait que c'était Ker Bistebroek. Comme tu dis, c'était peut-être Ker Fernand de Metz. Donc quand on regarde rue Wayer vers la droite, mais puis il y a aussi le projet de DOC, sur l'île Rochelle, c'est encore autre chose. Non. Ce qu'on appelle le projet The Dock, c'est le projet de marina. Après, entre-temps, ça, très souvent, maintenant, la presse ne parle plus de The Dock. La presse parle de Newport. Et il y a eu le même phénomène pour la tour Upside dont je parlais, la tour d'Athénor, ou pour le projet de centre commercial Docks Bruxelles. Les promoteurs changent le nom de leur projet pour effacer les traces de la critique. Si vous lisez la presse, vous cherchez des critiques sur la marina et vous allez mettre The Dock et vous allez tomber sur toute la presse qui critique fortement le projet. Docks Bruxelles, le centre commercial, avant, ça s'appelait Just Under the Sky. Et donc, pour effacer les traces, on change le nom une fois qu'on a les permis et comme ça, on efface la critique. Waouh. Mais donc, The Dock, ouais, dont tu parles, c'est bien le projet de marina. Oui, parce que... D'abord, ça s'appelait The Dock. Ouais. Le premier nom, c'était The Dock, et maintenant, c'est devenu Marina. Newport, Brussels. Il faut donner des noms en anglais, mais non. Hein. C'est la ville métropolitaine. Oui, c'est aussi le Yacht Club. Donc, avec le... De toute façon, à la communauté européenne, j'ai été cet après-midi, je donne cet exemple parce que c'est vraiment flagrant. Je voulais acheter du thé anglais et il y a une boutique suédoise qui fait du thé, du bacon, du thé, tas de trucs. J'arrive, je lui dis bonjour, il me répond en anglais. Et c'est seulement quand je suis parti, je lui ai dit au revoir. Il m'a fait au revoir. Mais Axel, tu devrais t'adapter, hein, quand même. Non, tu dois savoir où tu habites. Je ne veux pas m'adapter parce que Bruxelles est une ville bilingue. On parle soit néerlandais ou français, mais il ne faut pas que l'anglais... Moi, je veux bien qu'ils parlent anglais, mais qu'ils comprennent le français quand même. Mais moi, ça me gêne beaucoup parce que cette ville, un jour, on ne parlera plus français. Ni oui, mais tous ces projets-là, ouais, en ouais. fait, non, dans la zone, c'est ce que tu dis. C'est ce problème-là que tu dis, c'est qu'on devient une ville où on ne parlera plus néerlandais ni français. Les projets dans la zone, ils s'appellent Key West, ils s'appellent The Dock, ils s'appellent Newport, c'est... et on parle de Waterfront, et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, non, c'est... Et alors, une autre absurdité du projet, enfin, on peut en dérouler, hein, faire une litanie des critiques, mais on rentrerait même dans la logique de dire, tiens, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas un port de plaisance en région bruxelloise? De un, il y en a déjà un, au nord, qui n'est pas tellement loin, hein, donc il suffit de remonter le canal sur 6 km et on y est. Et ce port de plaisance existe depuis des années et des années, et depuis des années et des années, il est rempli à 60%, donc il n'y a pas de demande. C'est comme quand on crée un centre commercial, est-ce qu'il y a de la demande? Ben non, en fait, il n'y a pas de demande. Donc on n'est plus dans une logique qui dit que c'est la demande qui crée l'offre, c'est l'offre qui est censée créer la demande, parce que c'est juste des produits spéculatifs, et qu'en fait, pour le moment, il y a un autre port de plaisance qui est en train d'être construit, à quelques kilomètres plus au sud, à Bercelles. Il y a un port de plaisance qui est en construction pour le moment. Donc, ce truc même dans la logique de dire, oui, est-ce qu'il ne faudrait pas, si jamais il y a des plaisanciers qui passent par là. Bon, il faut savoir que les plaisanciers, ils détestent de passer par le canal, parce que si vous voyez le canal, c'est des péniches qui passent. Ça reste un canal industriel. Historiquement, ça l'était, mais ça l'est toujours. C'est un canal de marchandises qui transporte des matériaux de construction, du ciment... Enfin, tout ce qui peut se transporter, soit pour partir vers Anvers ou pour partir vers Charleroi, que les plaisanciers n'ont pas la priorité. C'est les péniches qui ont la priorité. D'ailleurs, il est très utilisé en tant que canal de marchandises. Et l'idée, même écologiquement, l'idée est d'accroître son utilisation. Parce qu'à l'heure actuelle, plutôt que tout le monde, quelles que soient les positions qu'on peut avoir idéologiques, dit « Bruxelles est congestionnée ». C'est tous les camions qui circulent dans les voiries et les bagnoles, etc. Et que donc, transporter une partie de la marchandise par le canal, c'est une façon de dégager les voiries. Ça émet beaucoup moins d'émissions de CO2, c'est nettement moins polluant, etc. Donc, accroître le transport par le canal, ça a du sens. Donc, aller y mettre des plaisanciers. Et les plaisanciers, ils n'aiment pas le canal pour ça. Ils n'aiment pas le canal parce qu'il y a 19 ponts. Que tu peux pas passer si t'as un mât. Ton mât, il est décapité direct. T'as un voilier et tout, tu passes pas le canal, c'est pas possible. Les ponts sont bas, en fait. Ouais. Et alors, tu as deux écluses. Et ces écluses sont très lentes, donc elles freinent vraiment. Et comme tu as d'autres axes fluviaux qui sont beaucoup plus agréables et où tu as moins de ponts, d'écluses, etc., moins de péniches, tous les plaisanciers vont utiliser. Donc tu as tout cassé à l'heure actuelle, 200 plaisanciers par an qui passent par le canal de Bruxelles. Donc c'est vraiment... C'est vraiment un prétexte. Un caprice très coûteux. Alors t'as des promoteurs un peu fous, hein, donc voilà, qui veulent faire ça. Ce qu'on comprend pas, c'est que on sait bien que les pouvoirs publics ne défendent pas nécessairement toujours l'intérêt général. On est conscient que quand on voit les politiques actuelles, on peut pas dire que les politiques soient très sociales et qu'il y a cette volonté très claire à Bruxelles depuis des années d'attirer des nouveaux habitants plus nantis, plus friqués, etc. Mais néanmoins, à un moment donné, de se dire que tu fais n'importe quoi et tu autorises un projet qui est vraiment purement spéculatif, qui va servir... Puisque les plaisanciers n'en veulent pas, les habitants, a priori, n'en ont pas besoin, n'en veulent pas. Donc, c'est un vrai risque qu'il y a de la gentrification, oui, c'est un vrai risque que ça va faire un effet de boule de neige dans le quartier. Ouais. Oui. Mmh. Oui, bah, la région regrette que les prix du foncier ont flambé. Elle-même, les pouvoirs publics ne savent plus racheter du terrain. Parce que en 15 ans, il n'y avait pas de crise du logement à Bruxelles. On prend Bruxelles, il y a 20 ans, il n'y avait pas de crise du logement. Les prix ont tellement flambé, les pouvoirs publics, même quand ils veulent construire du logement social, ne savent plus en construire. Ou quand ils avaient le terrain comme Tour et Taxi, ils le vendent au privé et ils perdent tout leur pouvoir dessus. Ouais. Ouais. Oui, j'ai encore une question. Maintenant, vous pouvez bien constater les problèmes avec l'enquête publique et tout ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, à part de le dénoncer? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a des procédures administratives? Le projet n'est pas coulé, mais tout n'est pas ficelé. Tous les permis ne sont pas encore délivrés. Donc pour le moment, le projet a reçu son permis d'environnement. C'est tout récent, c'est une actualité, ça date de la semaine dernière. Il n'a toujours pas son permis d'urbanisme. Donc là, il y a encore moyen de batailler pour empêcher la délivrance du permis d'urbanisme. Et une fois que les permis sont délivrés, il y a effectivement moyen d'aller en recours contre ces permis. Alors le problème, c'est quand on va en recours contre un permis d'environnement, ça suspend le chantier, ça suspend... on ne peut pas construire un projet tant qu'il y a un recours contre le permis d'environnement. Par contre, le recours contre le permis d'urbanisme, lui, ne suspend pas. Donc pendant la procédure et dans l'attente de la réponse du Conseil d'État, le promoteur peut quand même construire son projet. Vous devez attendre pour faire recours, vous devez attendre le permis d'urbanisme, c'est ça? On peut déjà aller en recours contre le permis d'environnement. Là, il y a un délai qui s'ouvre jusqu'à fin mars. Qui permet aux riverains, aux associations... d'environnement, ça veut dire l'impact écologique ou, de construction. Donc c'est plutôt les aspects écologiques ou est-ce que... En fait, les deux permis sont attaquables, mais effectivement, comme tu dis, sur des dimensions différentes. Quoi. Il faut regarder dans chaque permis, ce n'est pas les mêmes arguments que tu peux soulever. Après, il faut être conscient que quand on attaque des permis... On n'est pas dans des questions d'arbitrage et d'opportunité politique. On est sur des questions techniques et de forme et de procédure. Donc, tu ne peux pas attaquer un permis d'environnement en disant « ce projet n'est pas social, c'est un projet qui va générer de la gentrification, c'est un projet qui va générer de la spéculation immobilière ». Si tu attaques un permis d'environnement, tu dois démontrer que par rapport aux réglementations, par exemple, une réglementation qui dit « quand tu construis un projet dans la zone », ta construction ne peut occuper que 50% du terrain pour permettre la perméabilité du sol, pour permettre que l'eau puisse s'écouler. Mm-hmm. Tu peux attaquer sur ce genre d'éléments. Sur les problèmes environnementaux. Voilà. Mm. Mais tu dois prouver qu'il y a la violation d'un texte réglementaire. Ah oui. Tu dois prouver qu'il y a une réglementation qui n'est pas respectée. C'est très légal. Hein, c'est très, donc les questions d'arbitrage politique... Les questions de fond ne sont pas traitées. C'est des questions de forme et de réglementation. Mmh. Et ça, souvent, les gens ne comprennent pas. Quand il y a eu les permis sur la prison, par exemple, par rapport au projet de prison à Arun, c'est très compliqué d'expliquer au comité d'habitants qui vont dire ce projet de prison, il va nous empêcher l'accès à un sentier, il va nous empêcher de pouvoir... garder des terres agricoles, on leur dit, c'est pas là-dessus qu'on peut attaquer le permis. Attaquer le permis, ça veut dire, vous ne pouvez pas construire une bâtisse parce qu'il y a une réglementation qui dit on peut pas construire plus que 10 mètres de hauteur et il sait que le projet fait 14 mètres. Mmh. Mmh. Voilà, c'est des trucs techniques. Très spécifiques. Ouais. Oui. Et je pense que c'est un problème... Ce qu'on dit, ce que tu dis et ce qu'on dit actuellement, je pense que c'est le problème de toutes les villes européennes, d'être dans une situation gentrification, je sais pas. Gentrification. Ouais. Et de plus en plus que, tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple, à Zurich maintenant, pour avoir un appartement, c'est trois générations. Avant, à Zurich, tu avais une génération. Tu parles de prêts hypothécaires, par exemple. Donc, il faut faire des dettes sur trois générations. Sur trois générations, c'est... excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Mais c'est ça, le problème. C'est qu'on est dans... C'est-à-dire que les villes sont tellement devenues une... Comment ça s'appelle ? Où les gens vont dans les villes, où on a pris... Avant, il y avait le centre-ville. Je vais prendre un exemple, par exemple. Sur les villes. Les bourgeois, il y a une trentaine d'années, ils habitaient à Waterloo, ils habitaient où, je ne sais pas où, n'importe quoi. Ils mettaient 15 minutes pour aller dans le centre de Bruxelles. Actuellement, ils mettent 1h30. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont acheté dans le centre de Bruxelles ou dans périphérique, Saint-Gilles et tout. Et simplement, c'est ça qui a été le côté le plus dramatique des périphéries comme Forêt, Anderlecht ou Schaerbeek et tout, ou comment ça s'appelle, les bourgeois ont investi. Disons, c'est vrai ce que tu dis, il y a un mouvement général qui n'est pas propre à Bruxelles, qui a ce qu'on appelle un retour vers la ville. Ouais. Après, Bruxelles est différent d'autres villes, par exemple, en France, où la bourgeoisie était déjà au cœur de la ville, dans beaucoup de villes françaises, peut-être pas à Marseille, qui gardait un cœur populaire, alors qu'à Bruxelles, les bourgeois n'ont jamais voulu du centre-ville. Ouais. En fait, les bourgeois se sont toujours installés en périphérie. Et c'est encore le cas maintenant. En fait, la classe moyenne même reste en ville au début de son parcours de vie. Après, elle s'installe avec les salaires, les enfants. Et très vite, quand elle peut quitter Bruxelles, elle quitte Bruxelles. Et elle continue à quitter Bruxelles. Tous les chiffres de la démographie montrent que la classe moyenne continue à quitter Bruxelles. Et donc, en même temps, il y a un boom démographique, il y a un retour vers la ville, alors que Bruxelles n'arrêtait pas depuis... Les années 70 jusqu'au début des années 2000, on est descendu en dessous d'un million d'habitants. Et depuis le début des années 2000, la courbe est de nouveau montante. Et là, on a passé 1 200 000 habitants. D'ailleurs, ce boom démographique a été utilisé de façon congruente par les pouvoirs publics et par les promoteurs pour dire donc il faut construire du logement. Et donc, c'est à ce moment-là que la machine s'est emballée. Sans compter que le logement qu'on construit, c'est du logement privé, c'est pas du logement social. C'est ça répond pas social, justement. Voilà, c'est ça ne répond pas aux besoins. Et que ces nouveaux arrivants, ceux qui constituent ce boom démographique, je te dis, ce n'est pas la classe moyenne. Elle continue à fuir Bruxelles. En fait, ce boom démographique, il se compose du taux de natalité des anciennes couches migrantes qui continuent à faire des enfants. Et donc, c'est là que tu trouves encore des familles nombreuses. Et donc, fondamentalement, c'est des gens peu argentés. Ouais. Tu as aussi toute la migration socio-économique qui continue d'arriver à Bruxelles et qui sont aussi des personnes qui sont peu argentées. Et puis, tu as effectivement une petite frange qui, elle, est plus la migration socio-professionnelle et les gens qui viennent à Bruxelles à cause de ce que c'est une place financière, du fait que c'est la capitale de l'Europe, les lobbies, etc. Ceux-là, ils ont du fric, effectivement. Non, mais c'est ça le plus important à Bruxelles. C'est ça le plus important à Bruxelles, c'est que tu as plein de... Que ça soit des Français, des Belges, des Anglais, des tout... toutes ces gens qui ont de l'argent, qui investissent à Bruxelles, parce que ça rapporte... Moi, je vois à Saint-Gilles... Bon, nous, on habite le haut de Saint-Gilles un peu, bon. Mais c'est incroyable. Les sous-sols, tous les sous-sols sont comment ça s'appelle, aménagés pour faire des flats et des choses comme ça. On prend le moindre truc, on le prend. C'est-à-dire qu'à Saint-Gilles, n'importe quoi, comment ça s'appelle, un fonds de commerce ou une petite épicerie, les gens, ils font des travaux pour, comment ça s'appelle, pour faire des logements... comme maintenant avec le Airbnb, ouais, quoi, ouais, effectivement. Ouais, donc, ouais. Du coup, depuis qu'il y a le Airbnb... tu vas avoir ce phénomène bon, que tu retrouves dans. Je ne sais pas si c'est Airbnb qui a fait, mais je pense que mais c'est. Mais ça rajoute une couche, ouais. Quoi. Ça, c'est que c'est sûr. Plein de. Que ce soit des Suisses, des Français, des n'importe quoi, vont investir à Bruxelles. Ils prennent n'importe quoi, un garage et tout, ils le transforment en logement. C'est ça que. C'est-à-dire. Qu'on commence à détruire, on détruit complètement Bruxelles avec tout ce rapport de fric qui viennent de l'Europe parce que Bruxelles était bon marché il y a une vingtaine d'années. Moi, grand paradoxe que les promoteurs en fait ont du mal à vendre cher. Hein. Donc à l'heure actuelle, les promoteurs ont dû baisser leur prix parce qu'en réalité. Oui, même si on parle des investisseurs, tout ce que tu veux, mais la demande, en fait, elle n'est pas là. Et le fric reste dans des poches très restreintes et très limitées. Hein. Moi, j'ai une petite chanson de circonstance pour nous ramener au sujet. OK. Mi sono innamorato di Marina. Una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor cocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no, oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no no no no no. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh no, no, no, no, no. Ben voilà, on est toujours à Tranche d'Anar, l'émission de Anarchiste Radio-Air Libre, et on est toujours au sujet de protestes contre la Porte de Plaisance et le logement de luxe à Anderlecht. J'aimerais bien, Claire, que tu nous expliques un peu comment s'est passée cette enquête publique, qui a été convoqué à ça, comment les gens ont été mis au courant et qu'est-ce que ça a donné, comment c'est déroulé, et voilà. Parce que le principe de l'enquête publique, bon, c'est très cadré, c'est très institutionnel, mais c'est au moins un moment qui est prévu officiellement par la région, par la commune, où les habitants, les associations peuvent venir faire part de leurs remarques, de leurs commentaires, de leurs critiques par rapport à un projet urbain par rapport à un projet immobilier. C'est très cadré, il y a des délais à respecter. Et donc, en principe, une enquête publique dure entre 2 semaines et 1 mois. Il y a un affichage sur les voiries, le trottoir, c'est ces fameuses affiches rouges. Vous captez qu'il y a une affiche rouge, vous allez lire, dire « Ah tiens, il y a ça qui va se passer près de chez moi ». On peut aller à la commune, accéder au dossier, à la demande de permis, à tout ce qui explique pourquoi le projet, comment il va se construire. Et puis, vous envoyez vos remarques à la commune. Et puis, vous pouvez être entendu à ce qu'on appelle la commission de concertation. Donc ça, c'est la règle générale. Alors, dans le cadre du projet de Marina, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis le dossier à l'enquête publique juste avant les vacances de Noël. C'est légal, en fait. On peut mettre un dossier à l'enquête publique pendant les vacances, pour autant qu'il n'y ait que la moitié de la période des vacances qui soit couverte. Mais donc là, voilà, le projet était mis à l'enquête publique mi-décembre. 10 jours plus tard, c'est les vacances de Noël, 2 semaines de vacances de Noël. Et le dernier jour de l'enquête, c'était le dernier week-end des vacances de Noël. Donc autant dire qu'en général, les associations, c'est le moment où elles lèvent le pied, où elles sont moins vigilantes. Donc du coup, voilà, la plupart des habitants, les affiches rouges, ils ne savent même pas de quoi ça parle, de quoi il s'agit. Comprendre ce qui se passe, de dire on va aller à la commune, c'est pas évident. Donc le fait de faire l'enquête publique à cette période-là, c'est stratégique. C'est une manière, en fait, d'empêcher la démocratie de pouvoir se passer. On a eu un mal fou, donc pas QEB, mais aussi d'autres associations, d'autres habitants qui ont voulu accéder aux documents, qui ont été à la commune pour demander à l'accès aux documents. On nous a donné qu'une partie du dossier, le temps de s'en rendre compte, de redemander. Après, le service d'urbanisme était fermé puisque c'était les vacances de Noël. Et donc, en fait, on s'est retrouvé avec un dossier incomplet et donc des critiques très difficiles à formuler. Si bien qu'à la commission de concertation, pour un tellement gros projet, il y avait peu d'associations, peu d'habitants. Et la commune qui est favorable au projet, de son côté, avait invité ceux dont il savait qu'ils allaient soutenir le projet. Donc c'était une concertation très mélangée. On peut dire oui, c'est bien, mais... Donc voilà, il y avait d'un côté des associations assez nombreuses quand même. Enfin, malgré tout, il y avait quoi, 6-7 associations très, très critiques sur le projet. Quelques habitants très critiques aussi sur le projet. Et puis des commerçants et des habitants qui étaient venus pour dire une marina parce qu'on le vaut bien. C'était ça leur slogan, quoi. Et donc voilà, ça rendait très difficile la critique. Et le permis d'environnement a été délivré très très rapidement. Alors quand on voit qu'un particulier qui introduit une demande pour un permis d'urbanisme, un permis d'environnement, va attendre, ça va traîner des mois. Ici, l'enquête publique a eu lieu fin décembre, début janvier. Et 3 semaines après, le permis d'environnement était délivré. Alors qu'il y avait une kyrielle de critiques. Qui c'est qui délivre le permis d'environnement ? C'est la région, la région bruxelloise. Donc ils ne sont pas critiques non plus. Donc je dis que c'est commune d'Anderlecht est pour, mais aussi la région Bruxelles est pour le projet. Oui, apparemment. Ouais. Nous, on s'attendait, on espérait que la région se montrait critique, d'autant que le maître architecte, qui est quand même un acteur assez important en région bruxelloise, lui s'est montré officiellement très critique sur le projet, l'a fait savoir, et que quand on discute avec les administrations, on entend énormément de gens qui sont très critiques sur le projet. Mais néanmoins, il y a une forme comme ça d'accord politique entre la commune et la tête de la région pour dire on a besoin d'un tel projet à Anderlecht. En fait, ça cadre un peu dans un projet plus large, un projet pour le canal de Bruxelles. En fait, du nord au sud, on est en train de développer. Ils ont commencé à Tour et Taxi. Et maintenant, ils sont descendus vers le long de Molenbeek. Là, il y a plein de nouveaux appartements, Porte Ninove. Et en fait, c'est un projet qui est beaucoup plus large et qui est porté aussi plus largement. Il ne s'agit pas juste d'une marina. Non, bien sûr. Hein, c'est ce qu'on a appelé le plan Canal. Qui est apparu vers 2008, qui a été pensée par... Enfin, c'est aussi cette manière dont on fait toujours penser notre ville par des acteurs extérieurs. C'est chez Metoff, hein. C'est celui qui a pensé l'île de Nantes en France, qui a été invité pour penser le plan Canal. Et donc, c'est des projets pensés hors sol, hors les habitants, enfin... et qui sont mis sur maquette, sur papier, et qui donnent une vision comme ça, très, très lisse, très idéale, mais l'idéal d'une certaine élite ou l'idéal d'une haute classe moyenne de la ville, et qui n'est pas débattue, qui n'est pas questionnée, mais qui a parfois la capacité de faire rêver. Donc c'est pas toujours simple pour... les associations, quand voilà, on vous dit « Ah, ben, on va mettre des pistes cyclables partout, on va mettre des espaces verts, on va vous mettre des logements neufs, bah, et même un plan d'eau. » Enfin, je veux dire, les gens aiment l'eau, c'est vrai. Donc, c'est pas toujours simple d'expliquer ce qui se passe vraiment fondamentalement, ce qui est à l'œuvre. Et après coup... Il est probable que les riverains regrettent quand le chantier va démarrer, va durer 4 ans, qu'ils vont voir le sol creusé, qu'ils vont voir qui va arriver là, etc. Mais bon, en attendant, voilà, le projet sera réalisé. Mais donc oui, il y a un vaste plan canal. Bruxelles s'est rendu compte tout d'un coup qu'elle avait un canal et qu'un canal désormais, donc ça, c'est pas propre à Bruxelles, ce qu'on appelle les waterfronts, construire des logements de luxe au bord de l'eau. C'est un leitmotiv, hein. C'est vraiment par excellence le concept de ville métropole, de la même manière qu'aujourd'hui toute ville doit avoir sa méga salle de spectacle, son méga centre d'art contemporain, son méga stade de foot, son méga centre commercial. Et la marina fait partie de la liste de ce que toute ville qui se veut être mise sur la une carte. Grande ville et bon voilà mise sur la carte et c'est la la compétition des territoires. Et c'est David Harvey qui explique très bien. Alors, j'ai pris une phrase qui parle, entre autres, hein, de ces questions-là. Il parle notamment de stade, de marina et tout. Et alors, ils disent que ces projets réussissent ou échouent, ils doivent cibler invariablement les personnes à plus haut revenu et des activités économiques à forte rentabilité, puisque leur financement dépend du rendement des loyers. Dès lors, le succès d'un projet dépend de la dynamique du secteur immobilier. Loin de freiner le processus de segmentation sociale et d'exclusion, cela débouche sur la formation de véritables oasis de richesse au sein d'un environnement pauvre. Et il décrit très bien, David Harvey, la manière dont les villes sont aujourd'hui construites uniquement sur la rente immobilière. Les centres commerciaux, c'est aussi c'est la rente. Comme je disais tout à l'heure, on ne construit pas le centre commercial en fonction du besoin qu'on aurait parce qu'on manquerait de superficie commerciale, mais juste qu'on anticipe le loyer que va représenter l'unité commerciale. Et donc, tous ces promoteurs-là, Athénor ou Docks Bruxelles, dès qu'ils ont leur permis, ils vendent le terrain parce que en fait, on vend juste de la valeur. La valeur d'usage de la ville, il n'y a plus de valeur d'usage, c'est la valeur marchande. C'est peut-être une bonne idée de contre-rêver un canal à Bruxelles. Quelque chose qui fait rêver, je veux dire, si c'est juste des partenariats, enfin, au partenariat, le public qui rend en fait l'imaginaire au commerce et aux spéculateurs, c'est peut-être une bonne idée de rêver autre chose. Oui, mais je trouve qu'on voit ça déjà avec le projet Allée du Caille. Hein. Ce sont des projets temporairement qui sont là, qui sont vraiment... Il y a beaucoup de gens qui fréquentent, il y a plein de jeunes... Il y a quand même pas mal de gens qui fréquentent, ça vit, ça montre autre chose possible. Et même là, ça ne change pas le plan original de l'espace. Et ça, je trouve quand même super dommage. On montre vraiment qu'il y a un besoin des occupations comme ça, des choses comme ça. Mais on réfléchit même... Allez, après, ils doivent quand même disparaître, tu vois. Au lieu de repenser le plan originaire comme juste un parc, quand même laisser les bâtiments, laisser des espaces à l'intérieur, parce qu'il y a une demande... Des locaux, des espaces. En fait, on parle des hangars. En face de la grande tour et taxi, qui sont temporairement occupé par un projet qui accueille les jeunes, qui accueille plein de projets et qui fait vivre en fait c'est ça le danger en fait, c'est ce que Gwen dit, et c'est vrai que c'est le en fait souvent dans ces lieux-là, les lieux en friche, tu as des pionniers et ceux-là font rêver, et ces pionniers souvent ce sont des artistes, c'est des gens qui ont l'imaginaire, qui ont la créativité, et ils vont créer des espaces de vie, des espaces de rencontre, etc. Mais le problème, si ce n'est pas négocié à l'avance qu'ils puissent rester là, ils servent juste à préparer le terrain pour les suivants. Et ça, c'est ce que tu vois. Berlin est un exemple très flagrant là-dessus. Mais en fait, Bruxelles est en train de devenir Berlin. Et donc, quelqu'un qui débarque et qui voit Bruxelles, c'est plaisant. Tous ces entrepôts, ces tags, ces friches, ces espèces de contrastes. Il n'y avait pas de squat avant à Bruxelles. Et donc, maintenant, les gens disent « Ah ouais, Bruxelles, c'est alternatif, il y a des squats. » Mais en fait, ce type de squat et d'occupation est le révélateur et le signe que la gentrification est là. Parce que quand il n'y avait pas la gentrification... Il n'y a pas l'espace qui est occupable. Il n'y avait pas de crise du logement, et donc les gens n'allaient pas chercher à occuper puisqu'ils savaient où aller loger et ils savaient où s'installer. Ils n'avaient pas besoin du précaire. Créer du précaire n'est pas souhaitable, en fait. Je ne sais pas si c'est de ça dont il faut rêver. Et je pense que si on va à Wayer, à Anderlecht... Ben oui, effectivement, les gens manquent d'espace vert, ça c'est vrai. Et que le promoteur, il dit ben non, c'est mieux de faire une marina parce qu'il y a déjà plein d'espaces verts. Et ben vous allez là, il y a le petit parc Crix, c'est un tout petit parc. Et très bientôt, si les projets se font, il va être à l'ombre de grandes tours de logements qui vont complètement l'écraser. Le jardin des vétérinaires, Anderlecht, c'est les abattoirs, il y avait les anciennes écoles des vétérinaires. Il y a un projet public et privé sur ce site-là. C'est des bâtisses qui ont été rénovées. Très vite, la mise en vente privée, c'est des personnes aisées qui sont venues s'installer là. Et à l'époque, la commune avait dit le parc va rester public et il était privatisé. Et donc, les quelques espaces intéressants qui pourraient faire rêver, ils sont systématiquement privatisés. Et qu'est-ce que tu donnes alors comme conseil ? Allez, que les gens qui vont peut-être quand même s'installer dans les friches maintenant, parce que c'est aussi un genre de proteste, on veut autre chose qu'est-ce qui est prévu. Est-ce que ça va être lié alors avec un combat pour les logements sociaux ou pour un combat pour un quartier, qu'un quartier reste populaire? Est-ce qu'il faut faire les deux ensemble? Intéressant alors, quand tu occupes des espaces comme ça, de garder la dimension effectivement politique, donc que ces espaces soient des lieux de vie, mais si les gens peuvent venir y prendre du plaisir, de l'échange, etc., mais qui ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer, ils ne vont pas contester. Ouais. Et donc, je trouve intéressant de pouvoir combiner les activités qui s'y passent sans jouer, faire de la pédagogie. Il faut pouvoir aussi, par moment, pas tout le temps être dans le matraquage ou quoi. Oui, mais quand même que... Mais que, au moins, que ça reste vivante et que les gens savent les vrais intérêts. Oui. Parce que, ouais. Est-ce que ça n'a pas été... le cas avec l'éducail et le parc, est-ce que parce qu'il y avait quand même le réaménagement du parc qui était même présenté dans les lieux à l'éducail, parce que c'est quand même Inter-Environnement Bruxelles qui est propriétaire, gestionnaire de... Pas Inter-Environnement, c'est Bruxelles Environnement. Nous, on est propriétaire de rien. Mais c'est l'IEB et moi, je confonds toujours Bruxelles Environnement. C'est pour ça que les gens disent IEB, comme ça, on ne confond pas. Donc, Bruxelles Environnement. Mais non, mais on sent souvent, et c'est normal, c'est le problème souvent des conventions d'occupation précaires, c'est que les gens savent d'emblée que c'est précaire et donc acceptent la suite. Donc, ils se disent... Mettons à profit cette période éphémère pour construire du plaisir, de l'imaginaire. Mais il y a déjà, dès le début, une acceptation qu'on s'en va et qu'on déménage. Donc on sait bien que les associations qui sont là, qui ont assuré les animations sur l'Éducail, savaient d'emblée qu'elles allaient devoir déménager. Donc il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de rapport de force. Elles ont vécu ce qu'elles ont vécu et elles ont créé des bons moments à cet endroit-là de façon éphémère, mais il y a une acceptation qu'après eux viendront d'autres et il n'y a pas de critique par rapport à ça. Donc en fait, il faut des occupations un peu moins consensuelles. Bah, je trouve là-dessus, y avait eu, c'était pendant les vacances, il y a eu des tags gentrification qui ont émergé sur plusieurs façades, volets de restaurants, commerces, cafés, et aussi sur la porte de Two Stand à Bistebrook. Et là, je trouve que la réaction de Two Stand était intéressante parce qu'ils ont pris la question à bras-le-corps. Plutôt que de nier, ils ont dit, ben, nous, ça nous interroge, est-ce que notre présence... Donc Two Stand assure notamment ces animations à l'Allée du Cail dont on parlait. Et plutôt que de nier l'affaire, ils ont dit, bon, ben, on va organiser une grande discussion, un grand débat. Est-ce que ces occupations précaires et temporaires contribuent à la gentrification? Et ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont vraiment posé la question de façon frontale. Ils n'ont pas essayé de l'évacuer. Et ils ont invité des acteurs vraiment très divers. Ils ont vraiment mené un vrai débat contradictoire. Qui était pas fou. Et ça, j'ai trouvé ça très, très pertinent de leur part. Et il en est résulté quoi? Bon, ça nous a fait tous du bien. Il y avait 200 personnes, je crois, un truc comme ça. Et qu'au moins, la discussion ait lieu. Après, voilà, je veux dire, c'est comme quand tout d'un coup... Voilà, les choses ne changent pas du jour au lendemain. Y a parfois, nous, on reçoit parfois des inspecteurs de l'éducation permanente et qui demandent à IEB comment ça se fait que vous n'organisez pas la place Tahrir. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, déjà des prises de conscience, déjà du débat assumé, c'est quand même un bon point de départ, plutôt que de faire l'autruche. Et avec le maxi-prison, est-ce que là, c'était différent? Parce que là, la lutte politique était plutôt contre le prison, mais pas vraiment une lutte urbanistique ou... Non, je trouve que la prison, c'était très, très intéressant parce que ça croisait plein de formes de lutte, plein de... Parce qu'au départ, c'est des personnes, des collectifs, des groupes, des associations, des structures qui ne se croisent pas nécessairement... Puisque d'un côté, il y avait plus les, bon, des militants anarchistes anti-prison. De l'autre côté, il y avait voilà, les patatistes, les potagistes, ceux qui défendent la ceinture verte, l'agriculture urbaine. Bon, des acteurs plus comme nous sur des questions d'aménagement du territoire. Il y avait l'association syndicale des magistrats, donc vraiment des gens qui ne traitent pas habituellement des questions ou d'aménagement du territoire ou d'agriculture urbaine. Et qu'on ne peut pas dire qu'ils sont militants, parce qu'a priori, la magistrature, c'est quand même encore plus conservateur, à part que l'association syndicale des magistrats elle-même est quand même relativement à des positions plus ouvertes et plus progressistes. Bon, il y avait la Ligue des droits de l'homme. Et donc, ça a créé comme ça vraiment une nébuleuse qui ne pouvait pas fonctionner en bloc, mais qui restait solidaire, qui s'informait, qui se connectait, etc. Bon, après, dans la durée, la difficulté, c'est que ces projets-là s'étalent sur des années et que souvent, voilà, après, il y a des fissures, des fractures, et puis des découragements. Voilà, quand tu vois une... Je trouve que c'est une lutte assez exemplaire. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle a été rejointe par les zadistes. Et que malgré cette lutte exemplaire, tous les permis ont été délivrés. Il y a eu, par contre, du côté des pouvoirs publics, il n'y a pas eu moyen de trouver... La moindre faille, je pense que ça a beaucoup découragé, effectivement, militants, associatifs, habitants, etc. You better stop it, babe. You better stop it, babe. Stop your jiving round. Stop it, baby. Stop it, baby. Déjà pas mal du projet, plein d'aspects différents, mais un peu clair. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire pour quand même rester motivé, mobiliser les gens autour de ce projet et même d'autres projets dans la lutte urbaine? Ben, non, y a pas mal de ces projets quand même qui sont tellement mal ficelés, dont celui-ci, que parfois ils se cassent la gueule tout seuls. Et bon, ben, et ce qui est pas mal, s'ils se cassaient justement la gueule tout seul et qui n'ont pas été accompagnés autour de ces critiques fondamentales, des prises de conscience d'habitants qui expliquent ce qui est sous-jacent à ce genre de projet, bah, voilà, ça en resterait à un échec urbanistique. Et à partir du moment où il y a une lutte qui est menée, des mobilisations, des prises de conscience, même si au bout du compte, le projet se fait, ça crée des expériences qui se transmettent. Et il y en a certaines comme ça qui parfois traversent les années, les décennies, qui alimentent de nouvelles forces, de nouvelles luttes. Et finalement, ben, c'est un peu ça... la démocratie urbaine, la lutte urbaine, c'est que ça ne s'arrête pas juste, le projet se fait ou il ne se fait pas. Si on prend le cas du quartier Midi en termes d'expropriation, de destruction des logements, de destruction du quartier, on va dire que c'est un échec. Et en même temps, ce qui s'est passé là en termes de lutte pendant plusieurs années, des habitants... qui sont constitués en comité, qui ont vraiment, à la fois sous des formes festives, il y a eu plein d'assemblées, des fêtes de rue, il y a eu un film, il y a eu un livre, et beaucoup de gens, ça a marqué, enfin voilà, c'est quelque chose. On parlait tout à l'heure de ce qui marque la carte, donc il y a des projets urbains qui marquent la carte, mais il y a aussi de magnifiques luttes d'habitants qui laissent des traces. Et que cette histoire, si ça soit montré, que ça inspire des autres. Mm. Et aussi maintenant, c'est important ça. Mm. C'est vrai que ça ne passe pas juste comme ça. Puis c'est une espèce de vigilance permanente. Quoi. On reste vigilant, on n'est pas impuissant. En fait, on garde quand même une maîtrise malgré tout sur les choses. On refuse de subir. Mm-hmm. Ouais. Ben, voilà. Une émission de passé. Tu viens de réveiller. Je viens de me réveiller parce que j'ai dormi, mais parce que je suis un vieux, c'est normal. Oui, et le chien, il va faire... Alors, le chien, il doit partir parce que, voilà, le chien est dans une position difficile avec tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, il n'a plus envie de pisser. Salut. Bon, merci à Claire pour votre intervention et pour donner des occasions pour protester contre ces projets qui nous mangent notre ville. Ouais, ben voilà. Comme donc, ça, maintenant, les gens sont informés. Maintenant, c'est la lutte qui doit se faire.